Chapitre 13e, la nuit de l'infamie. Après le dîner, Karim a besoin de se nettoyer, selon son mot, des pénibles sensations causées par les opinions de son frère et de sa sœur. Pour y parvenir, à défaut de la mer, sa meilleure solution est le plein air. Il l'appelle « le pays de mon émigration intérieure ». En réalité, celle-ci est extérieure. Il s'agit de sortir d'un endroit fermé, la maison ou le lieu de travail. Alors, cet extérieur permet à Karim de se réfugier dans son intérieur. Comme il fait nuit, Karim veut offrir à ses yeux un champ d'étoiles scintillant dans le ciel serein. Il sort de la tour, dépasse la petite place, s'engage dans la longue et large rue où se trouve le bar, fermé à cette heure tardive. La lumière publique est faible, jaunâtre, et personne n'est dans la rue. Les années sanguinaires du terrorisme, bien que passées, influencent encore le mode de vie. De très rares véhicules, les phares tout allumés, presque aveuglants, passent comme des fantômes. Un chat, tout maigre, aux poils gris, frôle les murs, à la recherche attentive de nourriture. Soudain, il se précipite à toute vitesse vers un gros rat noir sorti d'un trou. La bestiole, se rendant compte du danger mortel, parvient à rejoindre une autre cavité où elle disparaît. Le chat famé s'immobilise en poussant un miaulement triste. Karim poursuit sa tranquille promenade en direction de l'avenue. De temps à autre, il lève les yeux vers le ciel. Son étendue, sa profondeur, son calme et son silence impressionnent Karim, purifient son esprit. Abaissant le regard vers les trottoirs, Karim se désole. Malheureusement, trop peu d'arbres et pas de fleurs. Il y a quand même Zara, ma voisine. Mais c'est une fleur dont je ne connais pas le parfum et qu'il m'est difficile de cueillir. Pour se détendre, l'amoureux fredonne. Ah, Zara, Zara. Ah, si pendant que j'évoque ton nom, de ton côté, tu penses à moi. Aussitôt, Karim se rappelle l'affirmation de son frère. « Pour te marier, il te faut une maison, et tu n'en as pas. » Cette constatation résonne cruellement dans le cerveau de Karim. « Que dirait alors Zara ? » s'interroge-t-il avec une pointe d'amertume. « Peut-être la même chose. » Ses réflexions sont brutalement interrompues par les haut-parleurs qui diffusent, de trois mosquées toutes proches les unes des autres, l'appel à la dernière prière du jour. Karim n'a jamais compris pourquoi cet appel n'est pas lancé par un seul haut-parleur et d'une voix supportable aux oreilles. C'est un insupportable tintamarre où entrent en concurrence trois voix, l'une d'elles étant particulièrement tonitruante. Jamais Karim n'a pu s'accommoder de cette manière totalement inopportune, indélicate et trop bruyante pour appeler un devoir religieux. Karim pense en particulier aux petits-enfants, aux vieillards et aux malades qui ont besoin de silence, mais sont dérangés cinq fois par jour par ces trois criards haut-parleurs. Surtout le matin, à l'aube, quotidiennement, le calme est violemment brisé par les trois haut-parleurs interrompant le sommeil. Karim trouve cette façon totalement insensée, incivile. « Je comprends, se dit-il, l'appel du médecin à l'époque où n'existaient pas les montres pour indiquer le temps. Mais aujourd'hui, quelle est l'utilité de ces appels, surtout à travers d'assourdissants haut-parleurs se chevauchant des ordres les uns les autres? N'est-ce pas, sous prétexte de religion, manquer de respect aux gens ?» Alors que Karim rumine ses considérations, des ombres assaillent Karim et l'encerclent. Effrayé, il tressaille, recule puis regarde pour savoir de quoi il s'agit. Trois hommes l'entourent, menaçant. « Qui êtes-vous » demande-t-il. Les trois inconnus gardent le silence en le fixant droit dans les yeux. Karim s'efforce de demeurer calme malgré sa peur. Il dévisage mieux les trois hommes. Ils sont jeunes, la vingtaine d'années chacun, leurs habits sont modestes, mais l'expression de leur visage est d'une hostilité effrayante. « Qui êtes-vous ? » répète Karim. « Si tu étais intelligent, lance l'un des trois, tu ne poserais pas la question. Que voulez-vous ? Te faire réfléchir. À quoi ? À ton comportement dans le quartier. Que veux-tu dire par là ? Décidément, tu n'es pas intelligent, » réplique Goguenard, le jeune homme. « Laisse-moi le rendre intelligent, » dit le second inconnu. « Vas-y, » consent le premier. Un violent coup de poing s'abat sur le visage de Karim, si fortement qu'il trébuche et recule de plusieurs pas. L'agresseur et les troisièmes personnages se ruent sur lui et le rouent de coups. Karim tente de se protéger avec les bras en cherchant à fuir. Impossible. Il est fermement encerclé. Les coups pleuvent sur lui sans tel qu'il tombe par terre, en se tordant de douleur, tout en essayant de protéger son visage. « Suffit !» ordonne le chef du groupe. Il lance à Karim. « Pour cette fois, la leçon devrait être suffisante. Sinon, nous t'en donnerons une autre, avec plaisir. » Et autant d'autres qu'il sera nécessaire. Les trois agresseurs s'éloignent dans la nuit. De retour chez lui, Karim est soulagé de voir que sa mère et sa sœur Zaya dorment. Sans faire de bruit, il entre dans la petite salle de toilette, se soigne et se lave. Ensuite, il rejoint son lit, éteint la lumière et se demande « Qui sont-ils et pourquoi leur agression ?» Le lendemain, avant le réveil de sa mère et de sa sœur, Karim se lève très tôt et sort de l'appartement. À l'hôpital, des collègues remarquent ses blessures au visage. Interrogé, Karim déclare « Tombé d'une échelle à la maison durant le travail. » Il est conscient de ne pas convaincre tout à fait. Qu'importe. Le soir, il revient chez lui. À la vue de ses hématomes sur les joues et les sourcils, sa mère lui demande très inquiète « Qu'est-ce que c'est ?» Il sourit. « Accident de travail. Un malade est tombé et en voulant le relever, j'ai chuté à mon tour. Mon visage a rencontré l'angle d'un lit. Par chance, rien de grave. » L'excuse tranquillise la mère. Zaya se contente d'observer d'un regard scrutateur le visage de son frère, sans rien dire. Puis elle se réfugie dans sa grotte au désert, comme la nomme Karim. Deux jours après, il entre dans l'épicerie pour effectuer des achats. Il trouve Zara, occupée à prendre un paquet de couscous sur des étagères. Elle note, effrayée, les traces rougeâtres sur le visage de Karim. Toutefois, elle n'ose pas lui adresser la parole. Une fois retournée chez elle, elle s'isole dans la cuisine. Très inquiète, elle prépare un couscous en s'interrogeant. Le jour suivant, elle se retrouve en face du policier dans son bureau. Elle l'informe de ce qu'elle définit comme agression dont Karim fait victime. « Ah !» se limite à commenter l'homme, comme s'il vient d'apprendre la nouvelle. Zara sent le besoin de lui demander qui, selon lui, est le mandataire de cet acte. Elle se retient, connaissant la règle à laquelle elle doit se conformer, se limiter à répondre aux questions du chef sans jamais poser de questions. Voici que le patron lui pose une question. « As-tu une idée sur l'identité des agresseurs ou sur leur mandataire ?» Zara réfléchit rapidement. « L'ignore-t-il vraiment lui ou veut-il simplement me tester ?»« Non, » répond-elle. « Alors essaie de le savoir ou plutôt tu dois réussir à le savoir. » Désormais, Zara connaît suffisamment son chef pour être conscient d'un fait. Ce qu'il dit n'est jamais la vérité, il ne peut pas la dire. Son but est uniquement de connaître celle des autres, des citoyens, des adversaires. Quant à sa vérité, à lui, c'est top secret, ou alors des mensonges présentés comme vérité. Zara ne serait donc pas étonnée de découvrir que l'agression contre Karim fut commandée par lui. Il est vrai que les intégristes du quartier pourraient également être les mandataires de cette infâme action. Comment trouver les preuves? Alors que Zara pense à ce problème, le policier intervient. « Cherche du côté des salafistes. » Zara ne réplique rien, elle pense. « Veut-il me lancer sur une fausse piste ? Ou la considère-t-il vraiment comme la bonne piste ?» En quittant le bureau, Zara parcourt l'avenue à l'Arbi Ben Midi, d'un pas lent, la tête baissée, pensive. Elle se rend compte combien elle n'est rien d'autre qu'une marionnette manipulée. Elle se rappelle. « Ce n'est pas la première fois que je suis réduite à un instrument. » Elle ajoute. Entre les mains d'un sadique. Elle éclaire vivement de son souvenir ses manipulateurs précédents. Pour se soulager, elle préfère contempler des vitrines. L'une d'elles l'attire. Elle présente des robes de mariage. Ah ! Dieu ne m'a pas réservé de bonheur. Et j'ignore pourquoi. À lui aussi, je ne peux pas poser de questions. Mais uniquement recevoir des ordres. Décidément,